Difficile de caser une lecture dans votre emploi du temps? Avec le livre audio, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir, plongez dans un livre audio avec Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et aussi des podcasts sur votre smartphone. Des coachings audio aux fictions sonores, explorez notre catalogue. N'attendez plus, téléchargez l'appli Audible et vibrez au son des livres. J'ai voulu raconter d'autres vies que la mienne. Celle de gens pris dans la vague du tsunami de 2004. Celle de gens qui ont longtemps et très tôt cohabité avec le cancer. Celle de gens qui courent après les crédits sans savoir comment les rembourser. Celle de gens qui savent s'aimer. De gens qui, sans le savoir, parfois sans même connaître, ont guidé et éclairé dans le difficile métier de vivre. D'autres vies que la mienne, d'Emmanuel Carrère. Adaptation de François Cuel, deuxième épisode. De retour à l'hôtel, j'essaye de joindre Hélène sur son portable, mais elle ne répond pas. Jérôme et elle ne sont toujours pas là à l'heure du déjeuner. Nous attendons un peu, puis déjeunons sans eux. Les Italiens qui tiennent l'hôtel se conduisent depuis 2 jours de façon irréprochable. Ils logent tout le monde, nourrissent tout le monde, témoignent les mêmes égards aux réfugiés sans le sou qu'aux hôtes payants, et si, faute d'approvisionnement, les repas deviennent de plus en plus sommaires, le service garde la nonchalance cérémonieuse qui le caractérisait avant la catastrophe. Je suis nerveux, mal à l'aise. Je regarde ma montre. Je fais une partie d'échecs avec Jean-Baptiste. Je dessine avec Rodrigue des personnages plus ou moins monstrueux. Plus tard, je parle avec Delphine. Elle me décrit leur vie à Saint-Émilion. Elle a toujours aimé la nature. Jamais imaginé de vivre ailleurs qu'à la campagne. Jamais cherché non plus à s'affirmer ou à être indépendante en travaillant. Jérôme travaillait. Elle s'occupait de Juliette, de la maison, du jardin, des animaux. Juliette adorait les animaux, les lapins surtout, qu'elle ne laissait à personne le soin de nourrir. Jérôme rentrait chaque jour déjeuner, et il prenait son temps. Le temps de bavarder tranquillement avec sa femme, de savourer le repas qu'elle avait préparé, de jouer avec leur fille. Il travaillait, oui, mais à son rythme, toujours disponible pour elles deux, pour son beau-père, pour leurs quelques amis. J'essaie d'imaginer cette vie si paisible et si éloignée de la mienne. Delphine la décrit d'une voix calme, mais c'est un calme de somnambule, et tous les verbes sont au passé. Plus tard, Ruth arrive à l'hôtel. Après 48 heures passées devant l'hôpital, sans dormir ni manger, elle est si affaiblie qu'on l'a amenée ici plus ou moins de force. On lui a servi un sandwich auquel elle ne touche pas. Le plus âgé des Italiens qui tient l'hôtel est venu lui dire qu'on lui a préparé une chambre. Il insiste doucement pour qu'elle aille s'y allonger, dormir un peu, mais elle secoue la tête. Quand elle était sous le banyan, elle ne voulait pas en bouger. Maintenant qu'on l'en a déracinée pour la poser dans ce fauteuil, elle ne veut pas en bouger non plus, en tout cas pas pour aller se coucher. Elle pense, si elle cède au sommeil, que Tom ne pourra pas revenir. Pour qu'il puisse revenir, il faut qu'elle veille. Ce qu'elle voudrait, c'est aller sur la plage, s'asseoir à l'endroit où la vague les a séparés, là où se dressait leur bungalow, et rester là, les yeux fixés sur l'horizon, jusqu'à ce que Tom ressorte vivant de l'océan. Elle se tient très droite en disant cela, comme en méditation, et on peut l'imaginer demeurant ainsi sur la plage des jours, des semaines, sans manger, ni dormir, ni parler. La respiration de plus en plus lente et silencieuse, petit à petit cessant d'être une personne humaine pour se transformer en statue. Delphine et moi comprenons que notre rôle est de la convaincre que Tom ne reviendra pas, qu'il est mort noyé comme les autres. Au bout de 2 jours, c'est pratiquement certain. Espérant l'aider comme Jérôme l'aide, elle, Delphine lui raconte leur histoire. Elle lui dit... Ce que je n'ai jusqu'à présent pas entendu dire, ce sont les autres qui le disent devant elle, que sa petite fille est morte. Dans son anglais scolaire, elle prononce les mots « My little girl is dead ». Ruth ne pose qu'une question. « Est-ce que tu l'as vue, morte ?» Il faut bien que Delphine réponde oui, et Ruth dit « Alors ce n'est pas pareil. Moi, je n'ai pas vu Tom mort. Tant que je ne l'aurai pas vu, je ne croirai pas à sa mort. » Elle est assistante sociale, lui charpentier. Elle refuse de croire à sa mort, mais elle dit « He was a carpenter. » L'imparfait commence déjà à ronger ses phrases. L'imparfait commence déjà à ronger ses phrases. Ils se connaissent et s'aiment depuis l'adolescence. Ils se sont mariés à l'automne et ils sont partis le lendemain de la cérémonie pour faire un tour du monde qui devait durer un an. Ils savaient ce qu'ils feraient à leur retour. Leur premier enfant, ils en voulaient trois. Et leur maison, une vraie maison, à eux. Ce que ni l'un ni l'autre n'a eu dans sa propre enfance, car ils viennent de familles rurales déracinées, perdues en ville sans port d'attache. Ils se voyaient bien, vieux, dans leur maison construite par Tom, la maison où auraient grandi leurs enfants, la maison où viendraient leurs petits-enfants, regardant les photos de la grande aventure de leur jeunesse. Mais si Tom n'est plus auprès d'elle pour les partager, il n'y a plus de souvenirs possibles, plus de projets possibles. La jeunesse de Ruth est finie, elle ne veut plus de la vieillesse. La vague a emporté son avenir avec son passé. Elle n'aura pas de maison, pas d'enfant. Si Tom est mort, Ruth n'a plus qu'à mourir. Je pense en l'écoutant, cette femme a tout perdu, mais c'est qu'elle avait tout, du moins tout ce qui compte. L'amour, le désir qu'il dure, la volonté de le faire durer, et la confiance, il durerait. Moi qui en ai tant d'autres, je lui envie cette richesse. Je ne suis jamais parvenu jusqu'à présent à me représenter ma vie ainsi avec une femme. La femme avec qui je suis, je ne crois jamais vraiment que je vieillirai près d'elle, qu'elle me fermera les yeux ou que je fermerai les siens. Je me dis que la prochaine sera enfin la bonne. En même temps, je me doute que, partie comme je suis, la prochaine ne fera pas davantage l'affaire, que ce ne sera aucune, et que je finirai seul. Avant la vague, Hélène et moi étions en train de nous séparer. Une fois encore, l'amour se délitait. Je n'avais pas su en prendre soin. Et tandis que Ruth évoque de sa voix basse et atone les photos de leur voyage de noces, la certitude qu'ils avaient de les regarder ensemble quand ils seraient vieux, je décroche, je bats la campagne. Je pense à ce qui serait pour nous l'équivalent de ces photos. Quelques mois plus tôt, j'ai réalisé un film d'après mon roman, La Moustache. Pendant la préparation et le tournage, il nous est souvent arrivé à Hélène et moi de passer la nuit dans le décor principal, l'appartement du couple que jouaient Vincent Lindon et Emmanuel DeVos. Nous prenions un plaisir clandestin à dormir dans le lit des héros, à utiliser leur baignoire, à remettre hâtivement les choses en place avant que l'équipe arrive le matin. Le scénario comportait une scène érotique que je voulais très crue. Les deux acteurs un peu inquiets me demandaient régulièrement comment je comptais la tourner, et je répondais avec assurance que j'avais mon idée, alors que je n'en avais aucune. Sur le plan de travail, une nuit entière était prévue pour la scène 39. Et cette nuit approchant, j'ai commencé à m'inquiéter aussi. Un soir, dans le décor, Hélène, à qui je confiais cette inquiétude, a proposé que pour y voir plus clair, nous répétions la scène, nous. Deux nuits de suite, devant une caméra vidéo posée sur pied, nous l'avons donc répété, varié, enrichi, en mettant beaucoup de cœur à l'ouvrage. Le moment venu, elle a été tournée pour de bon, elle n'était pas si mal, mais on l'a finalement coupée au montage. Et c'est devenu une plaisanterie rituelle d'annoncer aux acteurs qu'on la gardait pour les bonus du DVD. En réalité, ce qui serait beaucoup mieux pour les bonus du DVD, ce serait les deux cassettes du porno domestique rangées dans le tiroir de mon bureau sous l'innocente étiquette « Essai, rue René Boulanger ». Et ce que je pense cet après-midi, au bar de l'hôtel Evalanka, où Delphine et moi écoutons Ruth parler de Tom et de leur amour, c'est que ces deux cassettes pourraient, si nous restons ensemble, si nous traversons la vie ensemble, devenir un véritable trésor. Je nous imagine regardant sur l'écran nos corps d'autrefois, fermes, vigoureux, déliés. Hélène, d'une main tavelée, saisissant ma vieille bite qui la serre fidèlement depuis 30 ans. Et cette image tout à coup me bouleverse. Je me dis qu'il faut que cela arrive. Que si je dois réussir une chose avant de mourir, c'est cela. Hélène et Jérôme ont les yeux brillants, fiévreux, de ceux qui reviennent du front et qui ont vu le feu. Jérôme dit seulement à Delphine que Juliette n'est plus à Matara, mais à Colombo, et qu'il va s'arranger pour qu'il puisse partir aussitôt possible. Pour Ruth, il y a encore moyen de faire quelque chose. L'arracher au vide devant lequel elle se tient immobile, sans nous voir. La sauver. Hélène lui demande si elle a téléphoné à sa famille en Écosse. À quoi bon ? Il faut que tu le fasses. L'atroce incertitude qui la ronge au sujet de Tom, les siens doivent l'éprouver à son sujet à elle. Si tu veux, je peux le faire, moi. Il faut juste que tu me donnes un numéro de téléphone. Ruth hésite, puis, sans regarder Hélène, lâche les chiffres, un par un. Le numéro composé, Hélène tend le téléphone à Ruth qui le prend. On a dû décrocher, loin. Mom ? It's me. I'm okay. On lui parle, elle écoute. Elle se met à pleurer. Les larmes coulent sur ses joues. C'est comme une écluse qui s'ouvre. He's alive. Et puis ses larmes deviennent des sanglots, ses épaules bougent. Tout le haut de son corps, jusqu'alors pétrifié, bouge. He's alive. Elle pleure et rit. Et elle nous dit « He's alive ». Elle secoue doucement la tête, elle répète à mi-voix pour nous, pour elle, pour la terre et le ciel. He's alive. He's alive. Puis elle se tourne vers Delphine qui, assise à côté d'elle sur la banquette, pleure aussi. Elle la regarde. Elle pose sa tête sur son épaule et Delphine la serre dans ses bras. Il a fallu longtemps, m'a raconté Hélène cette nuit-là, pour atteindre Matara. La route était régulièrement coupée. On prenait et déposait des autostoppeurs. À un moment, le camion est passé devant la base de plongée où nous devions aller le jour de la vague. Il ne restait plus rien du bâtiment, ni du club de vacances dont il faisait partie. Et le policier à qui Hélène a demandé ce qu'il était advenu de ses centaines de clients a soupiré « All dead ». L'hôpital de Matara est beaucoup plus grand que celui de Tangal. On y traite beaucoup plus de cadavres. L'odeur de mort était encore plus forte que la veille. On a conduit Hélène et Jérôme à la chambre froide, dont la vingtaine de tiroirs contenait des blancs. Le carré VIP, Harikane et Jérôme, dont l'humour devenait de plus en plus grinçant. On leur a ouvert les tiroirs, l'un après l'autre. Elle n'était dans aucun. Ils ont visité l'hôpital de fond en comble. Jérôme agitait devant le nez des gens le papier sur lequel, à Tangal, on avait griffonné la description de Juliette. On lui répondait en désignant d'un geste désolé, impuissant, les corps gris et gonflés qui jonchaient le sol. Voyez, faites votre choix. Quelqu'un leur a indiqué un bureau où un employé, derrière un ordinateur, faisait défiler en diaporama les photos des morts qui, après un passage par l'hôpital, avaient été transférées ailleurs. Jérôme a décrit sa fille à l'employé, qui ne comprenait pas bien et continuait à faire défiler les photos sur l'écran. Il en a défilé des dizaines. On s'arrêtait quelques secondes sur chacun, puis automatiquement on passait au suivant. Et enfin, la photo de Juliette est apparue. Quand la photo suivante a remplacé celle de Juliette, Jérôme s'est affolé. Il a fondu sur l'ordinateur, demandé en criant qu'on revienne en arrière. L'employé a cliqué avec la souris, puis consulté sa fiche qui accompagnait la photo. Juliette n'était plus là. On l'avait transporté la veille à Colombo. De nouveau, sa photo a été remplacée. Jérôme a de nouveau paniqué, de nouveau demandé qu'on retourne en arrière. Il ne parvenait pas à se détourner de l'écran ni à se résoudre à ce que Juliette disparaisse. L'employé a cliqué plusieurs fois de suite pour enrayer le défilement automatique. Jérôme regardait avidement le visage de sa fille. Ses cheveux blonds, les bretelles de la robe rouge sur ses épaules rondes et bronzées. À chaque fois que la photo suivante apparaissait, il suppliait « Again, again, again ». En écrivant cela, je pense à Jeanne, notre petite fille à nous, qui dit depuis peu, encore, sans se lasser, pour qu'on la fasse sauter sur nos genoux ou sur le lit. Jérôme a obtenu de la direction de l'hôtel un transfert le lendemain pour Colombo. Le minibus pouvait accueillir, en se serrant, une douzaine de passagers. Et une partie de la soirée s'est passée en négociation pour attribuer les places. La tragédie qui les frappait avait valu ce traitement prioritaire à Jérôme, Delphine et Philippe. Et nous étions depuis le premier jour si proches d'eux qu'il allait de soi que nous serions aussi du voyage. Par sa famille, Ruth avait appris que Tom, blessé, était à l'hôpital d'une petite ville située à une cinquantaine de kilomètres de la mer, dans les montagnes. Il a été convenu qu'on l'emmènerait aussi, et au prix d'un détour, qu'on la déposerait au chevet de son mari. À ce dernier dîner, Jérôme ne mangeait rien, mais buvait, fumait, riait, provoquait, parlait fort, ne laissait pas le silence retomber. Il fallait tenir, il tenait. Il portait tout, nous soulevait tous, nous entraînait tous dans son sillage. En même temps, du coin de l'œil, il ne cessait de regarder Delphine, et je me rappelle avoir pensé, c'est cela, aimer vraiment. Et il n'y a rien de plus beau que cela, un homme qui aime vraiment sa femme. Elle restait silencieuse, absente, affreusement calme. C'était comme si Jérôme et Philippe, car Philippe donnait vaillamment la réplique à son gendre, exécutait une danse sacrée autour d'elle, comme s'il n'arrêtait pas de lui crier « Ne pars pas, nous t'en supplions, reste avec nous. » Ruth, assise à côté d'elle, lui a plusieurs fois pris la main, timidement, comme si elle n'en avait pas le droit, tendrement, parce qu'elle en avait le droit malgré tout, ou parce que personne n'en avait le droit, ou parce que tout le monde l'avait, il n'y avait plus de droit. Plus de bienséance, plus que ce bloc de douleur blonde, gracieuse, sans remède, et le besoin de lui prendre la main. Vers la fin de ce dîner, il était tard, Rodrigue, recrute fatigue, s'est glissé sur les genoux d'Hélène. Comme le tout petit garçon qu'il était encore, il a blotti la tête contre son épaule et elle lui a longtemps caressé les cheveux. Elle l'a câliné, rassuré. « Je suis là. » Puis elle s'est levée pour l'emmener au lit. Quand ils se sont tous deux éloignés dans le jardin, Delphine les a suivis des yeux. Et puis elle a détaché son regard des silhouettes d'Hélène et de Rodrigue qui se fondaient dans l'allée sombre menant au bungalow. En croisant le mien, elle a souri et, parlant de Rodrigue, murmurait « Il est si petit !» La distance était immense, le gouffre qui la séparait de nous impossible à combler. Mais il y avait de la douceur, de la tendresse dans sa voix brisée. Et cette douceur, cette tendresse m'ont donné le frisson. Il me semble avec le recul qu'il s'est passé ce soir-là quelque chose d'extraordinaire. Nous étions auprès de cet homme et cette femme à qui venait d'arriver ce qui peut arriver de pire au monde, et à nous rien du tout. Nous avons vécu cela ensemble. Pendant quelques jours, nous avons été à la fois aussi intimement proches et aussi radicalement séparés qu'il est possible de l'être. Et je sais que nous les aimions. Et je crois qu'ils nous aimaient. Nous avons quitté le restaurant très tard, Hélène et moi. Nous marchions en silence, épuisés. Nous savions que bientôt nous serions allongés l'un près de l'autre. Nous nous sommes donné la main. Je me rappelle ces jours-là, ma crainte enfantine qu'Hélène se détourne de moi. Mais ce qu'elle se rappelle, elle, c'est que nous étions ensemble. Vraiment ensemble. Le lendemain, Dès que le minibus où nous avions tous grimpé s'est engagé sur la route des montagnes, les images de désastre ont pris fin. À un moment de ce voyage, tandis que nous fumions au bord de la route, Philippe m'a entraîné un peu à l'écart et demandé « Toi qui es écrivain, tu vas écrire un livre sur tout ça ?» Cette question m'a pris au dépourvu, je n'y avais pas pensé. A priori, non. Tu devrais. Moi, si je savais écrire, je le ferais. Alors fais-le. Tu es mieux placé pour le faire. Philippe m'a regardé d'un air sceptique, mais moins d'un an après, il l'a fait. Et bien fait. À l'hôpital de Ratnapura, je ne sais combien de portes nous avons poussées avant que sur un seuil, Ruth ne s'immobilise et nous fasse signe à Hélène et moi de l'imiter. Elle l'avait vu. Elle voulait faire durer cet instant où elle le voyait sans qu'il la voie, elle. Il y avait une vingtaine de lits, elle nous a désigné le sien. Les yeux ouverts, il regardait devant lui. C'était un type massif, les cheveux ras, torse nu et bandé. Il ne savait pas que Ruth était là, mais surtout, il ne savait pas qu'elle était vivante. Enfin, elle s'est approchée. Elle est entrée dans son champ de vision. Ils sont restés un moment l'un en face de l'autre, sans rien dire, lui adossé aux oreillers, elle debout, au pied du lit. Puis elle est venue dans ses bras. Tout le monde dans la salle les regardait. Beaucoup se sont mis à pleurer. Hélène a perdu au retour le papier sur lequel elle avait noté l'adresse de Ruth et Tom. Au moment où j'écris ceci, plus de 3 ans ont passé. S'ils s'en sont tenus à leur plan, ils doivent habiter la maison que Tom a construite de ses mains et avoir un enfant, peut-être 2 déjà. Parle-t-il quelquefois de la vague, de ces journées terribles où chacun a cru l'autre mort et sa propre vie engloutie? Est-ce que nous faisons partie de leur récit, comme eux d'une autre? Que se rappellent-ils de nous? Nos prénoms? Nos visages? À Colombo, Jérôme s'est fait conduire seul cette fois à l'hôpital, où on avait transféré le corps de Juliette. À son retour, il a dit à Delphine qu'elle était belle, pas abîmée. Puis à Hélène, dans un sanglot, qu'il avait menti à Delphine. Malgré la chambre froide, elle se décomposait. Sa petite fille se décomposait. Delphine et Jérôme voulaient ramener le corps avec eux, mais ils ne voulaient pas d'un enterrement. Ils ne voulaient pas suivre le petit cercueil de leur fille. Ils préféraient qu'elle soit incinérée. Or, le corps devait être rapatrié dans un cercueil plombé qu'on ne pourrait plus ouvrir ensuite ni brûler. S'il la ramenait, il faudrait l'enterrer. L'autre solution, s'il voulait l'incinérer, était de le faire sur place. Au terme d'une palabre longue et houleuse, c'est à cela qu'ils se sont résignés. J'ai un autre souvenir. Nous venions d'arriver à l'Alliance française. On nous a proposé de prendre une douche. Nous n'avions qu'une longue journée de voyage derrière nous. Pourtant, c'était comme si nous sortions de 3 mois dans le désert sans nous laver. Les enfants sont passés d'abord, puis Hélène et moi, ensemble. Nous sommes restés longtemps l'un en face de l'autre, sous le mince filet d'eau. Je regardais le corps d'Hélène, si beau, si accablé de fatigue et d'effroi. Je n'éprouvais pas de désir, mais une pitié déchirante, un besoin de prendre soin, de protéger, de garder toujours. Je pensais, elle pourrait être morte aujourd'hui. Elle m'est précieuse, tellement précieuse. Je voudrais qu'un jour elle soit vieille, que sa chair soit vieille et flappie, et continuer à l'aimer. Ce qui avait eu lieu durant ces 5 jours, et qui prenait fin là, à ce moment précis, nous a submergés. Une vanne s'ouvrait, libérant un flot de chagrin, de soulagement, d'amour, tout cela mêlé. J'ai serré Hélène dans mes bras et dit « Je ne veux plus qu'on se quitte, plus jamais. » « Moi non plus, je ne veux plus qu'on se quitte. » C'était « D'autres vies que la mienne » d'Emmanuel Carrère. Adaptation de François Cuel. Avec Vincent Schmitt, le narrateur, Candice Lartigue, Hélène, Léonie Pinjot, Delphine,